Gouka, c'est ça yo vle. Gouka, répondez ka répond ça. Gouka, la mouye gayan mele. Gouka, en konye gouka ba yo. Gouka, ah, c'est ça yo vle.